disparaître. La torpeur des humains, ils s'enliseront de moi, et pas plus tard qu'hier. Le cœur qui s'épuise, je les folie pour toi, les mots que tu m'inspires. Et une l'atmosphère, t'inventer un parfum, une histoire, un sourire. Sans en avoir senti ce matin, ta présence m'envahit. Dans ma tête s'éternisent les instants avec toi, et pour la nuit entière. Ton absence qui attise mes coups et ma la voix, c'est moi que tu m'inspires. T'évoquant un soupir, ce qui m'attache à toi. Sans même me connaître, tout ce que tu m'inspires, un charme, la main, l'effroi, sans laisser paraître. Dans ma tête s'éternise et s'enlise mon émoi, comme pour la nuit entière. Mon cœur qui s'aiguise, je déforme à la loi. Se posant